vous écoutez Channel Inter, il est tout juste à 10h, tout de suite l'essentiel de l'actualité. Bonjour à tous, un conseil de gouvernement se réunit ce matin à Rabat. Ce sera le premier pour la nouvelle architecture du cabinet Le Othmani. Le projet de loi de finances 2020 y sera examiné, les textes qui l'accompagnent également. Il s'agit de 3 projets de décret relatifs à la délégation du pouvoir au ministre de l'économie, des finances et de la réforme de l'administration. En ce qui concerne les emprunts internes et le recours aux autres moyens de paiement, les financements étrangers et à la conclusion de contrats d'emprunt pour le remboursement de la dette extérieure et aux accords de garantie des risques, des taux d'intérêt et de change.